mes amis. Oui. Quelle déception. Pourquoi? Ben, j'avais décidé de donner un coup de boost à ma carrière radio. J'étais inscrit à la Energy School, l'école de formation de la première radio de France. Eh ben, c'était l'enfer! Bienvenue dans la Energy Radio School. Ici, vous allez apprendre ce que c'est que la vraie radio. Règle number one. Tout ce qu'on vous a dit sur votre personnalité qu'il faut mettre en avant, c'était pour rire. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Ouais, je suis pas d'accord. J'ai une âme d'artiste, moi. Et moi, je voudrais... D'autres questions? Non? Tant mieux. Votre personnalité, on s'en branle. Règle number two. Le sponsor, c'est le patron, il a toujours raison, c'est lui qui donne le pognon. Vous m'apprenez cette phrase pour demain, par cœur. Allez, on passe aux exercices. Pratique. Je vais vous montrer comment lancer un titre et vous allez reprendre après moi. Attention, on y va. Ho ho ho, vous êtes sur Énergie et vous êtes bien. Michael Jackson, qui utilise un portable Nokia. Vous avez compris? Bon, allez, c'est qui Helmut Pauchy? C'est moi! Allez, fais voir ce que tu sais faire. Facile. Oh oh oh, Zalobéry! Wouah, bande de chiennes! Vous êtes sur Énergie et vous êtes bien con. C'est pédophile time, Michael Jackson, qui utilise des enfants portables. Et voilà, rigueur, humour, la pêche, c'est tout moi ça, mes yeux. Vous n'êtes qu'un briseur de rêves, et vous, un casseur de couilles. T'es viré. Ah non, non, non, mieux que ça. Je suis... Ah, ça et se voilà. Passe comme ça sur la concurrence. T'as vu? On te garde ici, c'est quand même mieux. C'est gentil, mon expérience de la Energy School n'a duré que 20 minutes, mon Christophe. Je crois que je suis pas fait pour Energy, moi mon truc c'est la radio. Auf Wiedersehen.